Bonjour chers auditeurs, bienvenue à L'Autre Monde, votre cyber-revue de presse pour une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Nous en sommes à l'édition du 23 avril 2009 et vous êtes à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio web officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Je me nomme François Marginat et je serai avec vous pour la prochaine heure. Nous en sommes à la 99e ici à L'Autre Monde, donc la semaine prochaine, nous terminons la saison hiver et nous allons terminer avec la 100e émission de L'Autre Monde. Alors, merci d'avoir été à l'écoute depuis le début et puis n'hésitez pas à parler de cette émission, à partager les liens pour que les gens puissent découvrir cette émission qui vous apporte les nouvelles les plus importantes de la semaine, les sujets de réflexion, les débats de société qui sont réels et qui, en fait, passent à travers toute cette jungle informationnelle pour essayer de défricher l'information la plus importante pour avoir une meilleure compréhension de notre monde et pour ensuite être capable d'avoir la possibilité de faire de meilleurs choix, OK, parce qu'on est capable de les baser sur des informations qui sont, je dirais, plus proches de la réalité, pour ne pas utiliser le mot « véritable » parce qu'il n'y a rien d'absolu, mais vous comprenez que on essaie ici de viser le centre, essayer de voir l'autre côté de la médaille que les officiels, les autorités, le gouvernement et puis les médias ont tendance à occulter. Donc voilà, c'est pour ça que vous êtes ici à l'écoute de cette émission. Alors, nous allons vous revenir, bien sûr, pour la saison été, mais probablement après un léger repos. Alors, ça va être un repos probablement d'un mois. Donc, on va avoir ici un déménagement à la station. Alors, la station sera fermée pendant au moins 3 semaines. Et personnellement, je vais en prendre une de plus. Donc, je vais à ce moment-là vous retrouver un peu plus tard pour les nouvelles les plus importantes. Alors, voilà pour les informations. Nous allons commencer avec les nouvelles internationales. Aux États-Unis, on a appris que durant l'année au complet, en 2008, c'est 5900 journalistes qui ont perdu leur job. Alors, ça, c'est une compilation qui a été faite par The American Society of News Editors. Alors, vous comprenez que les médias corporatifs vont se plaindre de ça et puis pointer du doigt les bloggers, mais la vérité est que la plupart des blogs politiques et puis des blogs de nouvelles, comme ici je fais l'émission et avec les 7 du Québec et les Nouvelles internationales, n'existeraient probablement pas si les médias auraient fait leur job et puis nous avaient rapporté la vérité par rapport à ce qui se passe avec le gouvernement et puis les événements les plus importants de notre temps. Donc, on parle des attaques terroristes autant du 9-1 que des autres. D'ailleurs, on va en parler sous peu. En plus de détails à propos de d'autres choses qui se sont passées, puis les médias ne nous ont pas rapporté la vérité. Donc, à un moment donné, les gens se sont aperçus qu'on se faisait pas rapporter la vérité comme il se devait. Donc, on a cherché à avoir la vérité ailleurs, et puis on l'a trouvé où? On l'a trouvé sur Internet, où on a retrouvé cette révolution. Révolution de quoi? Révolution dont l'information circule dans la société. Donc, les citoyens, les journalistes citoyens, les bloggers, se sont mis à faire l'ouvrage que les médias, les grands médias auraient dû faire. Parlant d'autres situations où les médias ne nous ont pas rapporté la vérité, c'était l'anniversaire dernièrement de, vous vous rappelez, à Waco, aux États-Unis. Alors, on avait eu un groupe religieux mené par David Koresh qui s'était retranché dans cette église-là qu'ils avaient construit eux-mêmes. Et vous aviez eu les agents de. Des agents d'intervention là d'urgence là aux États-Unis qui avaient finalement mis le feu à l'église et puis toutes les personnes qui étaient à l'intérieur de l'église, dont des femmes et des enfants, ont péri brûlés. Et on avait toujours dit dans les médias que c'était les Davidiens, donc c'était la branche des Davidiens qui avaient ouvert le feu en premier sur les autorités. Et puis on voit très bien là, avec les évidences qu'on a photographiques et toute l'information qui est sortie par après, que finalement les gens à l'intérieur de l'église n'avaient jamais ouvert le feu. C'était des gens qui étaient fondamentalement pacifiques, mais on ne voulait pas tolérer si vous voulez, de mouvements comme ça qui étaient contre le gouvernement. Donc, on a donné l'exemple et puis on est rentré avec des tanks carrément, des chars d'assaut là-dedans. On a ouvert le feu et puis on a calciné des enfants carrément. Donc, vous avez des photos, allez voir là, c'est assez horrible. Et puis, c'était le 16e anniversaire de cette tragédie-là qui s'était passée. Donc, on avait même utilisé des gaz qui sont poisons, qui sont même interdits, illégaux, dans même des théâtres de guerre. Donc, imaginez des poisons, des gaz poisons qu'on utilisait contre des femmes et des enfants. Et puis après ça, on les a blâmés pour cette tragédie. Donc, ça, c'est un exemple où les médias n'ont pas fait leur ouvrage et puis ne nous ont pas rapporté la vérité. Un autre triste anniversaire, c'était les attaques contre le centre Mora, donc le Mora Federal Building à Oklahoma City. Ça aussi, c'était le 14e anniversaire cette année. Donc, ça aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait supposément eu un malade qui s'était stationné avec son camion devant le bâtiment fédéral et puis il l'avait fait sauter. Et puis, apparemment, que c'était cette personne-là qui était responsable. Mais on s'est rendu compte encore là une fois qu'on avait eu des dégâts asymétriques. Les médias, on a un paquet de clips de ça. Les médias avaient rapporté qu'il y avait d'autres bombes dans le bâtiment. Donc, il y avait des bombes à l'intérieur du bâtiment fédéral. Alors, évidemment, la question, c'est un peu comme le 911, c'est à savoir qui sont allés placer ces bombes-là. Donc, on parle encore probablement de inside job ici. Donc, vous avez encore là un paquet d'évidences pour les gens qui veulent seulement qu'aller s'informer un peu au lieu de juger trop rapidement. Allez voir les évidences qui sont disponibles et puis après ça, faites votre idée de ce qui s'est passé réellement là-bas. Voilà une autre chose aussi par rapport à laquelle les médias ne nous ont pas vraiment rapporté les informations et puis toute la vérité. Cette semaine aussi aux États-Unis, on a eu des manifestations assez spectaculaires qu'on a rangées, si vous voulez, dans ce qu'on appelait des Tea Party. Donc ça fait référence aux Tea Party de Boston au début de l'histoire des États-Unis, quand vous aviez une révolte, hein, donc dans les ports à Boston. On avait refusé d'envoyer le thé vers l'Angleterre. Donc, c'était des gens aux États-Unis qui étaient pas mal écœurés de se faire taxer à mort par le gouvernement britannique et puis de voir que ces gens-là ne servaient qu'à enrichir des gens dans un autre pays. Donc, non seulement on payait des taxes à ces gens-là en Grande-Bretagne, mais ils n'étaient pas représentés. Donc, c'est un peu le principe du gouvernement par représentation, c'est-à-dire que on peut être taxé à condition qu'on soit représenté par le pouvoir politique. Évidemment que quand le pouvoir politique ne nous représente même plus, ne représente plus le peuple, et bien évidemment qu'on se demande quelle légitimité ils ont à nous charger des taxes et des impôts. Alors, aux États-Unis, on commence à s'apercevoir que la crise économique fait mal. Vous avez au-dessus de 1 demi-million de personnes qui perdent leur travail à chaque mois. Et la réalité commence à prendre forme, une réalité qui fait dur carrément. Et puis là, les gens commencent à se demander comment ça se fait que le gouvernement a encore une légitime une légitimité à leur taxer, à leur demander plus d'impôts. Alors, on commence à se révolter contre ça. Et puis, surtout que aux États-Unis, il n'est pas évident du tout que le 16e amendement ait été ratifié par suffisamment d'États. Donc, le 16e amendement, c'est quoi? C'est ce qui permettrait, supposément, à l'IRS, qui est le Revenu Canada des États-Unis, qui était, dans le fond, illégal pour l'IRS d'imposer les Américains. Donc, il n'y a pas de loi. À toutes les fois qu'on a demandé officiel, même en cours, de prouver que le gouvernement a le droit, OK, donc d'imposer les Américains, on leur demande de montrer la loi. Il n'y a personne qui a été capable jusqu'à date de montrer cette loi-là. Donc, c'est un peu comme au Canada. Le gouvernement fédéral n'a aucune juridiction, aucun droit de nous taxer des impôts. Donc, on le fait de façon détournée, de façon frauduleuse, si on veut. C'est de quoi qui commence à déranger le gouvernement. Les gens commencent à s'organiser ensemble et puis à se révolter. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va essayer de peindre ces protestataires-là, ces manifestants-là, comme étant des gens de l'extrême droite et puis après ça de l'extrême gauche et essayer même de les associer avec des fouteux de troubles et puis carrément des terroristes, hein? Donc, ça, c'est évidemment la tactique des médias qui travaillent de concert avec le gouvernement. Alors, ce qu'on fait, c'est que on présente ces gens-là comme étant justement des gens un peu là foufous là, donc à ne pas prendre au sérieux, hein. Donc, on essaie tout le temps de délégitimiser, si je peux inventer un nouveau mot, ces gens-là et puis leurs requêtes qui sont légitimes aussi. Donc, on va essayer de les inclure dans des groupes racistes ou des extrémistes. Évidemment, on va les taxer de toutes sortes de mots comme ça. Et on est allé même plus loin. On a même encore là les supposés théoriciens de la conspiration, hein, donc on a tout le temps ri de ces gens-là, hein, quand ces gens-là arrivaient et puis vous expliquaient que le gouvernement considérait le peuple comme étant la menace. Donc là, on s'aperçoit que ces gens-là avaient raison encore une fois, parce qu'il y a le Homeland Security qui a remis un rapport, une analyse qui définissait l'extrémiste en fait, de l'extrême droite. Comme étant incluant le racisme des groupes de haine et puis aussi des groupes qui, attention, des groupes qui rejetaient l'autorité fédérale, donc en faveur de l'État, c'est-à-dire de l'État, ouais, c'est ça, aux États-Unis, donc vous aviez différents États, hein, qui normalement ont plus de pouvoir que le fédéral, mais là, le fédéral a pris tellement de pouvoir les dernières années que c'est quasiment rendu une dictature. Donc, si aux États-Unis, vous rejetez l'autorité fédérale en faveur de l'autorité de votre État, eh bien, on est en train de vous inclure dans ces groupes d'extrémistes-là. Donc, voyez un peu comment l'étiquette, là, le terrorisme va être évidemment appliquée à tous les gens qui vont faire de la dissidence politique, peu importe, là, que ce soit légitime ou pas. Ensuite, on essaye de peindre ça d'une autre façon. Donc, on sort des sondages bidons. Donc, vous avez un article à aller trouver de Gallup, OK? Donc, Gallup qui a apparemment fait un sondage aux États-Unis pour déterminer si les Américains sont d'accord, sont contents avec les taxes et puis les impôts. Et puis, apparemment, qu'on a fait une étude qui a montré que une majorité des Américains trouvaient que les impôts puis les taxes étaient très agréables et très fun, qui étaient très positifs par rapport à ça. Et en fait, qu'on avait atteint un sommet depuis 1956. Donc, ben oui. On a des manifestations grandeur des États-Unis dans tous les États qui s'est passé la semaine passée et qui avaient des milliers de participants. Et là, on essaie de montrer dans les médias que non, non, non, écoutez, les gens sont en amour avec leurs taxes et avec leurs impôts. On veut en payer plus. C'est fantastique. Je veux dire, on adore ça. On sent qu'on aide le gouvernement, qu'on aide des gens qui font vraiment de quoi de valable avec notre argent, hein, comme si notre gouvernement nous représente encore et faisait des choses positives avec notre argent. Mais donc, il la donne à des banquiers qui ont créé une crise économique, puis le reste, il l'utilise pour mener des guerres illégales et d'invasions militaires de d'autres pays. Donc, c'est à ça que ça sert, grosso modo. Et on se demande comment ça se fait que ces choses-là passent dans les médias. Eh bien, il y a un autre article qui est à lire qui est très intéressant, qui parle de la façon dont Obama utilise la science du changement. Ça, c'est une notion assez intéressante. C'est que, évidemment, vous savez que les gens qui sont derrière toutes les speeches qu'ils font derrière les publicités, bien souvent aussi les films, de la façon qu'on vous présente des affaires dans les médias, c'est fait par des psychologues. On analyse les gens. On comprend comment que les gens réagissent. On sait comment vous faire réagir en sachant quel piton peser. On sait comment que les gens vont agir et penser si on leur présente l'information d'une telle façon, plus qu'un autre, en vous présentant tel ou tel symbole. Et c'est un peu la même affaire pour ce qui est du changement. Et on s'est aperçu que les gens, évidemment, fonctionnent pas mal comme des moutons. Hein? C'est pas une grosse nouvelle. Et là, dans cette nouvelle-là, on a des études qui sont représentées par un psychologue qui s'appelle Robert Cialdini et d'autres groupes, OK, qui ont trouvé que un des puissants motivateurs, OK, c'est de faire en sorte de dire aux gens que tout le monde fait ça. Hein? Donc, quand on dit que tout le monde fait telle affaire ou telle autre chose, ça suggère aux gens, ça leur fait vouloir et penser qu'il faut faire la même affaire, qu'il faut suivre la même chose. Écoute, si tout le monde fait ça, je veux dire, ça veut dire que c'est la norme, hein? Donc il faut suivre telle affaire. C'est la même affaire qu'on en a fait un. On a dit que les gens qui ont des questions qui sont légitimes, peu importe ce qu'on arrive avec, là, même si la plus légitime des questions, la plus scientifique, on ridiculise les gens, c'est émotionnel, on fait réagir les gens qui sont ah, ha, ha, ha, regardez les fous. Et ça fonctionne très bien, ça fonctionne très bien, même encore aujourd'hui. Et puis, ça expliquerait peut-être justement pourquoi qu'on a utilisé encore là ce sondage de Gallup en disant que tout le monde aime les taxes et puis les impôts. Donc, on espère que, en disant que tout le monde aime ça, donc, tu es un peu fou de penser que c'est pas bon les taxes, que c'est pas bon de payer trop d'impôts, que ton gouvernement n'utilise pas ton argent, en fait, qu'il le vole puis le donne à des banquiers privés, hein. Donc, on essaie tout le temps de vous faire sentir comme le mouton noir, comme la personne qui est en dehors du troupeau, vous faire sentir séparé. Et alors que, en fait, c'est la majorité qui pense pareil que vous, donc que de quoi qui cloche. Donc, oui, on utilise la psychologie contre vous, on vous manipule psychologiquement et mentalement. Et puis, bien souvent, à votre insu, quoi. Donc, on joue avec votre subconscient. Une autre nouvelle, j'en parlais il y a quelques semaines, mais ça continue de sortir, c'est que les ventes de fusils puis d'armes et de munitions sont en hausse fulgurante aux États-Unis. On parle d'une hausse de 27% par rapport à la même période l'an passé. Ça, c'est selon les données du FBI. OK? Donc, vous avez environ 4 millions de personnes qui ont demandé des nouvelles armes, donc des permis qui ont été en demande. Et on a de la misère à fournir là, aux États-Unis. Les ventes sont en hausse totale. Et puis, il y a différentes raisons par rapport à ça. C'est que Obama et son gouvernement s'apprêtent à bannir certaines armes. Et certains acheteurs disent aussi qu'ils sont inquiets par rapport au déroulement de la crise économique et puis qu'on s'attend au pire. Donc, on s'imagine à ce moment-là que oui, dans les grandes villes, ça pourrait tourner laid assez rapidement. Ou si la population, à un moment donné, se rend compte que le gouvernement les a volés en plein jour, leur a menti et puis qu'on leur a imposé des taxes pendant des dizaines d'années alors que c'était illégal. Donc, à un moment donné, ça se peut bien que les gens se révoltent. Moi, je le conseille pas parce que ils vous attendent de pied ferme avec simplement l'armée, là, hein, donc, et même les mercenaires privés. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai publié un article sur les camps d'internement aussi qui sont prêts. On a demandé via le Congrès de transformer des bases militaires en camps du FEMA, des camps d'internement. Et évidemment qu'on a laissé présager que ça pourrait être pour des masses d'immigrants ou ben non des révoltes civiles. Ça peut être utilisé à peu près pour n'importe quelle situation, surtout si la loi martiale est imposée. Et puis ne riez pas, la loi martiale peut être imposée s'il y a un crash économique, s'il y a une catastrophe écologique qui se passe, une révolte sociale, une guerre mondiale. Peu importe, là, le gouvernement Bush et puis les précédents gouvernements ont mis en place des législations qui facilitent la mise, la déclaration de la loi martiale. Et puis ça pourrait se faire du jour au lendemain, là, au point où on en est. Dans plusieurs grands médias qui parlent qu'évidemment les officiels du gouvernement Bush et puis qui se continuent encore sous le gouvernement Obama, parce qu'Obama a continué à faire la même affaire, on a établi encore une fois, je dirais, que l'espionnage massif des Américains ont évidemment excédé les lois, donc on a transgressé les lois. L'espionnage et la collection d'informations personnelles a dépassé de beaucoup ce que les gens pensaient, donc c'était une pratique systémique qui étaient volontaires et, chers amis, on a stocké des quantités d'informations assez inquiétantes. Alors, ça, c'est d'autres informations à aller voir. Ça vient autant de des gens qui sont ouverts la bouche, donc des gens qui ont dénoncé ça, autant que d'autres déclarations et puis trouvailles qui ont été faites, différents documents. Donc, la NSC qui a même espionné sur des membres du Congrès. Donc, on a espionné des gens du gouvernement. Donc, c'est carrément hors de contrôle aux États-Unis. Big Brother qui est non seulement en train de s'installer, mais qui est présent, qui est déjà installé depuis longtemps, en pleine violation des différents actes et de la Constitution des États-Unis. Donc, on est au-dessus de la loi. On a transgressé la loi et puis la Constitution aux États-Unis. Et dans une autre grosse nouvelle, ça c'est assez massif, hein, probablement une des nouvelles majeures, des plus importantes de la semaine. D'ailleurs, j'ai écrit un article par rapport à ça que vous allez être capable de retrouver sur les sites du Québec et que j'ai nommé Torture, Obama enfreint la loi internationale et la Constitution américaine. Et ça, c'est de façon littérale, c'est direct, là, il n'y a pas de détour à faire avec ça. La Maison-Blanche a donc rendu public des documents de l'administration Bush concernant la torture et on y apprend plus de détails quant aux différentes méthodes d'interrogation brutales qui furent utilisées par la Maison-Blanche dans le but de donner plus d'outils aux agents américains de la CIA pour extraire plus d'informations lors des interrogations de suspects ou d'ennemis combattants nommés comme tels par Washington. Et faut-il le rappeler que certains contrats d'interrogation qu'on a appelés en parenthèse coercitifs, donc faudrait entendre torture, furent octroyés aussi à des firmes privées engagées pour faire le sale boulot. Donc on a donné des contrats à des firmes privées pour faire de la torture. Chers auditeurs, c'est à faire dresser les cheveux sur les bras et puis sur la tête. Donc, on a quatre documents officiels là, qui expliquent quelles techniques d'interrogatoire coercitifs qui ont été autorisées et la façon dont ils devaient être employés. Donc, on parle de torture par l'eau, le waterboarding, lancer des détenus la tête la première dans un mur qui a été prouvé pour causer des dommages neurologiques permanents, privation du sommeil pendant des jours durant, les forcer à demeurer dans des positions douloureuses et débilitantes, étranglement. De plus, on y retrouve un aperçu de la torture qui fut autorisée et employée sur des enfants, dont les enfants de Khalid Sheikh Mohamed, le prétendu cerveau des attaques du 9-1-1, qui aurait subi le waterboarding 180 fois en un mois. Hein, donc, ça vous donne l'impression de mourir quand on fait ça. On a employé de la torture contre des enfants, tels que les emprisonner dans une petite boîte avec des insectes, hein, ou les terroriser avec des chiens enragés. En fait, on a un répertoire d'environ une vingtaine de crimes de guerre du genre qui ont été commis contre des milliers d'enfants sous l'administration Bush. Et voilà pour l'image des États-Unis en plein 21e siècle. C'est à faire vomir. Et maintenant, le président Barack Obama s'est empressé de pointer du doigt et condamner ces actes, mais de l'autre main, il a promis aux différents agents ayant pratiqué la torture qu'ils ne seront pas poursuivis en justice par son administration. Bang! Voilà pour le changement. L'attorney général d'Obama, Eric Holder, a déclaré que les fonds publics seraient utilisés pour venir en aide aux bourreaux et les défendre contre les victimes de torture qui pourraient avoir la mauvaise et surprenante idée de vouloir les poursuivre en justice. C'est à faire vomir. Je veux dire, c'est absolument dégueulasse quand on voit que, je veux dire, la torture non seulement a été autorisée, a été employée contre des enfants, contre des femmes, contre des hommes, des victimes. On parle de 95% des prisonniers dans ces prisons secrètes-là, à Bagram, à Guantanamo, même affaire dans celle de l'Irak. Et non seulement on rend public des documents et puis on condamne ça, hein, pour se faire un beau vernis, une belle image, mais Obama ne va même pas poursuivre ces gens-là. OK? Donc, c'est absolument hallucinant. Vous avez même Dick Cheney qui avait admis, même à deux reprises, dans les médias télévisés, avoir utilisé la torture, l'avoir autorisé. C'est complètement dégueulasse. On a des rapports de la Croix-Rouge, même du FBI. On a plus de 100 000 pages de documents du gouvernement américain qui existent pour prouver que la torture n'est pas l'œuvre de seulement quelques mauvaises pommes, mais qui fut bien autorisée au plus haut niveau du régime Bush et de la CIA, même de l'armée. Alors, pas besoin d'en dire plus. Les preuves pour ouvrir des poursuites judiciaires sont abondantes et solides. C'est la honte totale. Et puis Obama a déclaré qu'il condamnait la torture, mais qu'il juge qu'il ne vaut pas la peine de s'attarder au passé. Hein? Ça ne vaut pas la peine de juger les responsables. Donc voilà pour le changement. La torture est monnaie courante dans les prisons américaines en Irak, autant que de celles de Bagram et puis les autres en Afghanistan. Et probablement quand même cette prison-là, la dernière en Afghanistan, sera agrandie sous Obama, qui devrait prendre le surnom de la Guantanamo d'Obama. Et voilà un autre indice clair que droite ou gauche, républicain ou démocrate, c'est tout du pareil au même. OK? C'est tout des complices et accessoires à des crimes de torture, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Et c'est la raison pour laquelle personne n'a intérêt à partir de la roue de la justice parce que les démocrates sont aussi responsables de ces crimes-là. Donc, la décision de Barack Obama de ne pas poursuivre en justice les responsables de crimes de guerre a soulevé l'indignation à travers le monde. Les Nations Unies ont même rappelé aux États-Unis qu'ils étaient toujours signataires et donc liés par la loi internationale et sont donc dans l'obligation de poursuivre les responsables de ces crimes si les évidences sont suffisamment solides et on sait qu'elles le sont pour toutes les raisons que je vous ai données. Et si Obama refuse de le faire, eh bien, ça veut dire qu'il enfreint la loi internationale ainsi que le 8e amendement de la Constitution des États-Unis, tout en devenant un accessoire à un crime de guerre. Allez continuer de lire l'article au complet avec tous les liens disponibles. Et vous allez voir là que Obama là, c'est pas la rose là, c'est pas une fleur là. Je veux dire que on est loin du changement, on est loin de l'espoir. OK? Donc là, vous avez une autre série d'articles à aller trouver là-dessus. Dans les dernières nouvelles du Tour du monde en Angleterre, on a l'État Big Brother, là, qui est quasiment un État policier total, qui continue de montrer ses tentacules, et puis ça l'aide réalité. Cette semaine, un homme a été mis en prison pour avoir photographié une voiture de police. Okay? Donc là, c'est rendu criminel de prendre des photos de voitures de police. Et on a aussi des touristes qui se sont fait effacer des photos qu'ils avaient prises, OK, donc de différents autobus et puis du métro de Londres, OK. Donc, vous êtes un touriste, vous arrivez à Londres, vous trouvez le métro bien cute, bien spécial, vous prenez une photo, paf, la police vous tombe sur le dos et puis on efface les photos que vous avez prises parce qu'on veut prévenir du terrorisme. OK. Donc, petit conseil de l'autre monde, peut-être choisir une autre destination aux vacances, le temps que ça se calme un peu, là, parce que ça commence à dérailler pas mal à Londres. Côté de la Corée du Nord, vous avez les inspecteurs qui ont commencé à quitter la Corée du Nord parce que là, on s'aperçoit là-bas que, évidemment, on commence à blâmer la Corée du Nord pour même vouloir mettre un satellite en place. Et puis, on veut encore plus les matraquer pour les peindre en terroristes. Vous savez, les États-Unis cherchent n'importe quelle raison pour partir une guerre pour essayer de faire oublier les vrais coupables de la débauche, la crise totale économique. Donc là, évidemment que les responsables et puis les autorités en Corée du Nord vont même repartir le réacteur nucléaire. Voilà comment qu'on s'occupe de ces affaires-là au niveau international. Donc, vous voyez évidemment que les supposés policiers internationaux de l'axe anglo-saxon sont en train de perdre contrôle d'à peu près tout ce qui se passe. Vous avez les tours du World Trade Center qui devaient être reconstruites depuis pas mal longtemps, qui vont être finalement remises encore à plus tard. Pourquoi? Parce que la crise économique fait ravage, donc on s'aperçoit que c'est vraiment pas un bon moment de construire des nouvelles tours. Là, on va mettre ça sur la glace, probablement même pour quelques décennies. Ok? Donc ça, c'est une autre nouvelle assez spéciale. Et les nouvelles continuent aussi de s'accumuler dans le coin de la Somalie par rapport au fait que on a de plus en plus d'évidence que les pirates, oui, saisissent des bateaux, mais il y a une affaire qu'on ne vous rapporte jamais dans les médias, c'est qu'il y a beaucoup de firmes européennes et puis de d'autres différentes nations qui arrivent là-bas et puis qui déversent des produits toxiques, des déchets dans les eaux territoriales de la Somalie, et puis aussi font du pêchage illégal dans leur eau. Alors, vous avez des gens, évidemment, qui essayent de se révolter contre ça et puis d'essayer d'assumer une certaine autorité. Et ce qu'on ne vous rapporte pas aussi, c'est que ce genre de no man's land qui sévit en Somalie est dû au fait que les États-Unis, en 2006, ont bombardé et puis ont éliminé l'autorité musulmane qui était là, islamique, qui était en fait très bonne, qui faisait une bonne job et puis qui avait réussi à réassumer un certain ordre dans le pays. Mais évidemment que les États-Unis, dans leur front contre la guerre, contre le terrorisme, ont ouvert un autre front là-bas, une autre guerre qui était un peu plus silencieuse. Les gens n'ont pas vraiment entendu parler, mais les États-Unis ont bombardé des positions avec des B-52 et puis on a tué des centaines, c'est pas des milliers de civils, des gens qui étaient totalement innocents. Et depuis ce temps-là, ben c'est un peu un vide juridique. Là, il n'y a pas de pouvoir vraiment en place. Donc, les gens arrivent là et puis ils n'ont pas peur de se faire poursuivre par qui que ce soit, aucune autorité. Donc, on déverse des produits toxiques, même des produits radioactifs dans les eaux territoriales de la Somalie. Donc, ça, c'est un autre côté très important à savoir. Et il y a quelques nouvelles aussi à les consulter par rapport à l'Amérique du Sud. Obama qui fait déjà quelques faux pas en traitant de Chavez. D'extrémistes. Ensuite, il a fait un faux pas avec le président du Brésil. Obama qui refuse de lever l'embargo contre Cuba. Donc, encore plus de changements de la part du gouvernement d'Obama. Et là aussi, au Mexique, ça commence à vraiment partir en couille avec la guerre contre la drogue, les cartels de drogue qui contrôlent environ la moitié du pays. Ça a été rapporté par certains personnages des services du renseignement mexicain. Okay? Donc, on dit qu'on a perdu le contrôle sur à peu près la moitié du pays, qui est contrôlé maintenant par le crime organisé. Donc, voilà pour le succès de la guerre contre la drogue américaine, qui n'est en fait qu'une guerre contre la compétition. Hein? C'est pas plus compliqué que cela. Bon, les États-Unis qui ont menacé d'attaquer l'Érythrée, un petit pays de la corne de l'Afrique, voisin du Soudan, un autre pays qui est parti dans un vide juridique depuis que la CIA et puis les États-Unis ont déstabilisé la Somalie au mois de décembre 2006, comme je vous parlais un peu plus tôt. Alors, d'autres résultats de déstabilisation et de chaos qui est semé par les politiques étrangères des États-Unis. Un peu après ça, on se donne des justifications, hein, pour envahir et puis attaquer le pays. Et n'oubliez pas que le Soudan et puis ces petits pays-là sont assis sur des ressources naturelles très importantes comme le coltan, des réserves de pétrole, de gaz et ainsi de suite. Une autre motivation, c'est que si on part à un autre front, une guerre contre un petit pays sans défense comme l'Érythrée, imaginez de déclarer vouloir partir une guerre contre l'Érythrée, c'est absolument ridicule, c'est une joke. C'est comme si on disait qu'on était pour partir une guerre contre une des îles du Pacifique ou, je veux dire, c'est complètement ridicule, OK? Donc, on va s'en prendre à un autre petit pays, là. Donc, c'est un peu comme une grosse brute qui s'en prend à un bébé. C'est à peu près la même affaire, là. Et puis, là, on va essayer de faire oublier, là, qui sont les responsables de tout le chaos dans le monde et responsables d'un génocide au Moyen-Orient, hein. Donc, c'est à peu près ça. Une dernière nouvelle à les consulter qui parle de Custer Battles, qui est une autre entreprise de mercenaires privés en Irak qui est prise avec des poursuites judiciaires pour avoir fraudé le gouvernement américain de plusieurs millions de dollars pour avoir chargé beaucoup plus qu'il n'aurait fallu pour des services, par exemple des camions qui ont été payés 18 000 dollars, qu'on a revendu 80 000. Vous avez aussi d'autres exemples comme des générateurs qui ont coûté 74 000, qui ont été revendus pour 400 000. Après ça, on se demande comment ça se fait que la guerre en Irak a coûté si cher. C'est à peu près rendu à 500 milliards de dollars en ce moment. Imaginez 500 milliards de dollars, l'argent que ça a coûté. Et pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est une guerre à moitié 50% privée. Et c'est un transfert d'argent encore là des payeurs de taxes vers des compagnies privées qui se sont fait donner des contrats sans appel d'offres. Donc, encore là, la corruption, collusion, coterie, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on transfère l'argent, hein, le plus vite possible à ces compagnies-là privées. Puis, qu'est-ce que ça change? Ça change absolument rien, à part le fait qu'on est rendu à 1 300 000 Irakiens qui ont été tués et pas loin de 6 000 Irakiens qui sont déplacés, des réfugiés. Une des crises humanitaires les plus graves, là, sur la face de la planète, avec probablement aussi la situation à Gaza et puis en Palestine. Donc, voilà pour les nouvelles du monde et on se retrouve après la pause pour les nouvelles du Moyen-Orient. We should rekill Babylon first. We should rekill Babylon first. We should rekill Babylon first. We should rekill Babylon first. was a gunman, me boss is for me help. Nous allons attaquer maintenant le cas du Moyen-Orient. Il y a énormément de nouvelles encore, donc je vous invite toujours à aller voir sur le blog Les Nouvelles Internationales pour retrouver tous les articles au complet et puis avoir plus de temps et de latitude pour les explorer et puis les lire à votre propre rythme. Alors, je ne fais ici là, que les summariser, donc vous allez avoir une idée là, un peu de qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient. Disons que la section dans les nouvelles internationales de la télévision et puis des journaux est assez mince et c'est assez difficile de se faire une bonne impression, là, d'avoir une bonne image de ce qui se passe réellement là-bas. Donc, on va y aller. On va commencer avec le cas d'Israël. C'est probablement ce qui est le plus important. Israël avec lié avec le cas de Gaza et puis de l'Iran. Évidemment que c'est pas parce qu'on n'entend pas parler que ça ne continue pas de bouger et puis d'être absolument chaud. Et d'ailleurs, cette semaine, on a eu des nouvelles qui ont été publiées par Israël. Donc, on apprend qu'on va tenir des exercices militaires de défense missile avec les États-Unis. Et on va se pratiquer. C'est une, en fait, c'est une pratique très sérieuse, là, donc de grande étendue. Et on va se pratiquer là, à mettre en marche et à coordonner les systèmes de défense antimissiles. Et c'est un peu ce qui s'était passé aussi là entre Israël et Washington quand on avait parti la guerre du Golfe en 1991 contre l'Irak. Alors, les États-Unis avaient déployé leur bouclier antimissile et puis on avait mis ça là en coordination avec ceux d'Israël. Alors, maintenant aussi, on apprend d'autres nouvelles assez importantes. Là, vous allez, comme je vous dis, là, je vous les summarise, allez les voir au complet. Là, c'est vraiment important. C'est toutes des nouvelles là, que c'est sérieux. Là, c'est sorti d'un grand média ou des sites aussi que c'est documenté. Donc, c'est pas d'histoire que je vous invente. Il y a un article qui a été publié sur les nations qui sont nucléaires et puis qui n'ont pas signé le traité de non-prolifération dans le monde. Et ces pays-là sont la Corée du Nord, l'Inde, le Pakistan et Israël. Vous devez comprendre que ces pays-là n'ont pas signé l'accord de non-prolifération nucléaire. Et puis, vous devez savoir que l'Inde et le Pakistan ont été aidés directement par les États-Unis pour se procurer la bombe nucléaire. Donc, maintenant, vous pouvez comprendre que les États-Unis participent à la prolifération des bombes nucléaires, des armes nucléaires, avec des nations qui n'ont pas signé le traité. Donc, voilà un peu pour qu'on fait la morale à d'autres pays comme l'Iran qui veulent produire de l'électricité avec des centrales nucléaires, alors que c'est ces pays-là qui s'amusent à donner carrément des bombes nucléaires, toute l'aide nécessaire pour que ces différents pays-là puissent s'en fabriquer et puis être des pays qui ne sont pas participants au très important traité de non-prolifération. Et un autre détail que peu de personnes connaissent, il y a le Symington Amendment qui est rattaché à un Foreign Appropriations Bill aux États-Unis qui a été en fait passé en 1961, donc c'est quand même assez vieux, qui oblige le gouvernement des États-Unis à bannir toute aide internationale à des nations qui ont des armes nucléaires et qui n'ont pas signé le traité de non-prolifération nucléaire. Donc, ça veut dire que c'est illégal pour l'administration d'Obama d'envoyer de l'aide, que ce soit autant financière que militaire, à n'importe quelle nation qui n'ont pas signé ce traité-là, dont la Corée du Nord, l'Inde, le Pakistan et Israël. Et pourquoi que je parle de ça et pourquoi que ces nouvelles-là sont importantes, vous allez comprendre, c'est des lois qui sont en place, donc c'est pas comme si Obama avait le choix ou pas. C'est-à-dire que quand il envoie de l'aide, autant militaire que nucléaire, à Israël puis aux autres pays, ça veut dire qu'il contrevient à la loi. Ça veut dire qu'il est en train de commettre un acte illégal, criminel. Donc, dans cette branche-là, là, vous allez avoir d'autres nouvelles à aller consulter. Il y a le Sénat américain qui inclut un budget pour l'aide internationale et qui a été approuvé il n'y a pas si longtemps et qui va envoyer de l'assistance monétaire à Israël. On parle d'un document qui devrait envoyer un bon 4 milliards de dollars pour les opérations à l'étranger. Et là, comme je vous dis, à ce moment-là, ça vient faire en sorte que on se retrouve avec une administration, encore une fois, qui contrevient à la loi. Et puis là, non seulement vous devez comprendre que Israël possède des bombes nucléaires, et puis là, il y a d'autres articles à aller consulter cette semaine par rapport à ça, mais il y a aussi le fait qu'Israël s'est fait prendre à plusieurs reprises, et puis là, je dis vraiment à plusieurs reprises, à revendre de la technologie d'armes nucléaires qui a été acquise des États-Unis par Israël et puis qui a été revendue à la Chine. Okay? Donc, ça, c'est des affaires aussi qui sont documentées. Donc, non seulement on finance un État illégalement parce que c'est un État qui n'a pas signé les accords de non-prolifération nucléaire, mais en plus, ce pays-là, qu'on nomme Israël, revend cette technologie nucléaire-là à d'autres pays. Donc, vous comprenez que ceci est très important. Et puis, il y a un autre article aussi qui a calculé à peu près combien d'argent que les États-Unis ont envoyé directement en aide à Israël. Et on en vient à un total de 114 milliards de dollars depuis le tout début du financement d'Israël. 114 milliards de dollars, c'est énormément d'argent, là. Vous devez comprendre que c'est 4 fois le budget total que ça a coûté pour le programme d'Apollo pour aller mettre un homme sur la Lune. Okay? Donc, on savait que dans le temps, ça a été un programme qui a été excessivement dispendieux. Et bien, en ce moment, les États-Unis ont donné 4 fois le montant total de tout le programme Apollo en aide à Israël. Donc, un État qui ne respecte pas la loi internationale et puis qui revend la technologie d'une façon documentée. On sait que ça se passe et puis on continue de financer cet État. Ensuite, vous avez Israël qui a déclaré, il y a environ 2 semaines, le ministre Erdan qui a dit que Israël ne prenait pas d'ordre d'Obama. Donc, en plus, non seulement on prend l'argent des États-Unis, mais en plus, on leur fait le bras. Hein, on leur dit que les États-Unis peuvent bien aller se faire voir quant à savoir si les États-Unis peuvent leur dicter quoi faire. Hein. Donc, vous savez que l'arrogance d'Israël est aussi sans limite. Ensuite, il y a des articles à consulter qui sont également très importants par rapport aux livraisons d'armement qui a été livrées, même sous le président Obama, à Israël. Et il y a eu plusieurs livraisons, en fait, et vous savez là que c'est des livraisons qui sont très massives. Et ça, il y en a une qui a été révélée par Amnesty International. Là, on essaie de faire en sorte que Obama cesse de faire ses livraisons d'armement parce qu'on sait, avec toutes les enquêtes qui ont été ouvertes et les évidences documentées par dont la Croix-Rouge et plusieurs ONG, qu'Israël a effectivement utilisé des armes chimiques comme le phosphore blanc durant la dernière guerre à Gaza. Et on a des photos d'enfants calcinés. C'est très horrible là, ce qui s'est passé là-bas. On a démoli des maisons. On continue l'état de siège d'ailleurs actuellement. Et les gens continuent de mourir parce qu'on ne laisse pas rentrer les médicaments, les vivres, peu importe là, ce que les gens ont besoin. Là, tout est coupé à la frontière. Et puis là, ben, vous avez Israël qui reçoit comme ça des grosses livraisons d'armes qui est encore, je dirais, plus criminel parce que à ce moment-là, on se retrouve à avoir carrément les États-Unis là qui supportent un régime qui est responsable de crimes de guerre. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'a rien à voir avec l'antisémitisme, que ce soit n'importe quel pays qui fasse la même affaire. Je veux dire, c'est des crimes de guerre et puis ça contrevient des lois internationales qui sont bien établies. Ensuite, là, c'est ça, vous allez avoir des nouvelles qui est sortie de Dubaï. On a 300 containers qui auraient été livrés à travers Dubaï vers Israël et puis qui contenaient des armes et des munitions. Ça a été livré le mois dernier. Et dans une autre nouvelle, on apprend encore qu'il y a d'autres armements qui ont été livrés dans une quantité encore plus importante. On a dans cette nouvelle-là, on parle de 989 containers de munitions qui ont été livrés à Israël avant l'invasion de Gaza. Ça, c'est assez curieux aussi. Ça veut dire que les États-Unis ont envoyé des quantités phénoménales de munitions à Israël juste avant, on parle d'une semaine avant que l'invasion de la bande de Gaza par Israël, dont je parlais précédemment, on se demande si c'était justement pas tout simplement planifié, puis les États-Unis sont venus renflouer les quantités de munitions qu'Israël avait. C'est énormément de munitions. On parle de 14 000 tonnes, OK? Chaque container fait 20 pieds de long. Donc, ça vous donne une idée là, de la quantité d'armes qui a été livrée juste avant le conflit opposant Israël à Gaza. Parce qu'il faut dire que Gaza n'a pas eu très le choix là-dedans, étant donné qu'il était déjà sous siège pendant plusieurs mois et puis les gens mouraient déjà chaque semaine parce qu'il n'y avait pas assez d'électricité dans les hôpitaux. Là, vous comprenez là, que c'est de quoi qui est absolument sérieux et probablement que les États-Unis sont aussi responsables de crimes de guerre pour avoir supporté et puis préparé cette invasion-là en fournissant à Israël toutes les munitions qu'elle avait besoin. On a différents appels. Ça vient de la Grande-Bretagne pour arrêter justement les ventes militaires, okay, donc de la Grande-Bretagne vers Israël. Vous savez que la Grande-Bretagne supporte Israël aussi. Et puis, juste en 2008, on a 27 millions de livres sterling de valeur d'armement et de munitions qui ont été vendus à Israël. Donc, vous comprenez là, que c'est énormément d'argent. Comme je vous disais, à chaque année, les États-Unis envoient aussi à peu près 4 milliards de dollars à Israël en aide, qui est majoritairement investi dans l'armée. Quand qu'on pense à la mesure de ces chiffres-là, et vous vous rappelez, il y a 2 semaines, il y a eu un tremblement de terre en Italie, les États-Unis ont envoyé 50 000 dollars pour aider l'Italie avec les 300-400 morts qui ont été causés par ce tremblement de terre-là. Donc, vous voyez mon Obama qui arrive avec un chèque de 50 000 piastres, alors que vous avez un autre pays qui est au Moyen-Orient, possède des bombes nucléaires et puis se fait passer pour une victime qui est tout le temps menacée d'extermination. Qui est criminel de guerre parce qu'on a carrément utilisé des armes de destruction massive et chimique contre les Palestiniens, qui est documenté par les Nations Unies, la Croix-Rouge, Amnesty International et un paquet d'autres ONG. On leur donne quand même des milliards de dollars par année. Donc, ça montre un peu l'hypocrisie qui règne au niveau des États-Unis puis dans les médias aussi, surtout quand on se fait peur avec le fameux missile qui était pour mettre en orbite un satellite hein, de la Corée du Nord. Et là, on s'en fait la grosse scène hein, pour essayer de vous épeurer. Hey, la Corée du Nord pourrait lancer un missile sur les États-Unis ou sur le Japon, tout faire exploser. Hey, on va disparaître. La grosse menace encore, la Corée du Nord. Et puis là, vous avez de l'autre côté les États-Unis et puis Israël qui font la prolifération des armes nucléaires dans le monde, qui s'amusent à mener des guerres coloniales et puis à entraîner carrément des génocides, là. Je veux dire, quand on parle des États-Unis qui ont tué 1 300 000 Irakiens depuis le début de la guerre en 2003 et depuis 1991, on parle d'un autre 1,5 million, 2 millions. Donc, on est au-dessus de 2 3 millions déjà d'Irakiens qui sont tués. Si vous regardez ce qui se passe avec la Palestine, l'État d'apartheid et le siège médiéval qui est imposé à Gaza, parce qu'il faut nommer les choses pour ce qu'elles sont, on voit vraiment c'est qui les États voyous. Donc, c'est tout un État de deux poids, deux mesures dans lequel on vit. On fait à croire que la réalité est l'opposé de ce qu'elle est réellement. Donc, c'est vraiment, je dirais, la meilleure analyse que je pourrais faire. C'est quand vous regardez ce qui vous est présenté, la vision du monde, ou ce que les politiciens vous disent ou que les médias vous présentent, prenez ça, revirez ça à 180 degrés, puis là, vous allez à peu près avoir la réalité. C'est pas mal comme ça que ça se passe. Vous avez des exercices militaires qui sont aussi planifiés en Israël pour se préparer contre la guerre. Donc, on parle des exercices militaires les plus larges, les plus intensifs que de l'histoire israélienne. Donc, vous voyez là que c'est pas des petites préparations anodines là, qui se passent. On est en train de se préparer pour une guerre. À toutes les fois qu'Israël a fait ça dans le passé, comme par magie, il est arrivé un conflit tout de suite après. Donc, ça, c'est des affaires qui sont historiques. L'histoire se répète. Et puis là, vous avez les signes directs dans votre figure. Vous avez des nouvelles aussi qui sont présentées de façon hebdomadaire, c'est pas quotidienne, dans les médias de masse israéliens. Donc, encore là, comme je vous dis, c'est pas moi qui fais du israélien, du bashing d'Israël. C'est des nouvelles qui viennent carrément d'Israël. Donc, là, vous allez trouver différentes nouvelles. Je vais vous lire les titres. Vous voyez, il y en a une ici, là, Israël se dit prête à bombarder les sites nucléaires iraniens. Okay? Donc, imaginez si vous aviez l'inverse, là. Une nouvelle qui disait que l'Iran se préparait à bombarder les sites nucléaires d'Israël. Imaginez la cohue totale que ça ferait. Les pays, mon gars, ça. Hey, écoute, là, chers auditeurs, là, ça serait la folie dans les journaux, la panique totale. Le Conseil de sécurité de l'ONU serait saisi immédiatement. Ça serait une histoire absolument, là. Incroyable, splashé partout dans les médias, mur à mur, ça c'est évident. Mais après ça, vous avez Israël qui publie une nouvelle, bang, les gros titres dans les médias de masse, là, donc on parle de médias traditionnels, c'est rien d'alternatif ou d'interprétation là, par quelqu'un qui est antisémite, là. Israël se dit en gros titre prêt à bombarder les sites nucléaires de l'Iran. Okay? Donc on se dit prêt à lancer une attaque aérienne massive sur les installations nucléaires de l'Iran en quelques jours seulement après que le gouvernement leur donnerait le feu vert. Okay? Donc là, ça c'est une autre histoire tellement chaude. Pourquoi j'en parle autant? C'est que vous devez comprendre que la Russie est le septième partenaire commercial de l'Iran et puis la Chine a évidemment des liens de plus en plus étroits avec l'Iran. Donc attaquer l'Iran, ça veut dire que vous vous retrouvez finalement probablement avec une guerre régionale qui va prendre de l'ampleur presque immédiatement, parce que ce serait difficile de croire que la Russie s'en mêlerait pas et puis que la Chine ne s'en mêlerait pas aussi. Et vous savez que les États-Unis vont défendre automatiquement Israël. Et puis là, on va se retrouver avec un conflit au Moyen-Orient qui va entraîner, selon je dirais les analystes les plus sérieux, la Troisième Guerre mondiale, ni plus ni moins. Et comme je disais en début d'émission, l'administration Bush et puis plusieurs pays occidentaux, mais surtout l'administration Obama et plusieurs pays du monde aussi, mais évidemment, c'est surtout l'administration là, Obama aux États-Unis, là, on cherche à engendrer une guerre à tout prix pour essayer de faire oublier le blâme que les gens voudraient bien placer sur le gouvernement pour avoir tout laissé tomber puis les avoir ruinés. Simplement, là, probablement éliminer une bonne quantité de gens et puis nous semer le chaos total et puis finalement amener ce que on a splashé partout dans les grands médias, là, à coups de dizaines et des dizaines de médias télévisés et puis les grands journaux de Nouvel Ordre Mondial. Donc, c'est vraiment le but qui est affiché noir sur blanc par cette élite. Et puis, on dit dans leurs documents, vous allez les lire vous-même, que c'est à travers le chaos qu'on va terroriser la population internationale. Et puis, à un point tel qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que les gens vont implorer à genoux qu'un gouvernement mondial, une gouvernance mondiale soit instaurée. Donc, probablement une armée mondiale, une monnaie mondiale, une banque centrale mondiale. Et on va implorer ces gens-là d'arrêter toutes les guerres et puis de prendre le contrôle. Donc, c'est ce qu'ils disent carrément dans leurs documents que vous pouvez aller lire vous-même. Donc, c'est des documents qui sont disponibles. Et puis, on a dit noir sur blanc que c'est soit qu'on va amener de force cette gouvernance globale-là, ou encore mieux, que les gens vont la demander. Donc, c'est à peu près ça. Vous avez énormément beaucoup de nouvelles. Netanyahou, là, qui se dit prêt à détruire l'Iran. Évidemment que les États-Unis vont être pris dans tout conflit qu'Israël va commencer. C'est évidemment des G.I. Joe américains qui vont aller mourir pour l'État d'Israël. Israël qui veut donner un temps limite pour les négociations que les États-Unis voudraient entreprendre avec l'Iran et puis d'autres parties. Donc, c'est à peu près ça pour cette semaine. On va se quitter là-dessus. La semaine prochaine, on va revenir avec la centième émission et la dernière de l'année, de la saison d'hiver. Et puis, on va toucher à le reste du Moyen-Orient et puis l'économie. Donc, ça va être le dernier dossier là, de la saison qui reste à achever pour vous donner les meilleurs outils pour comprendre ce qui va se passer d'ici la fin de l'été et puis l'automne. des affaires absolument importantes et cruciales à savoir pour mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Donc, c'était François Marginal pour L'Autre Monde. Salut bien bon, on se retrouve très rapidement. Bye bye.